technocrate idéaliste du machin, mais elle a un clair intérêt. Parce que moi, technocrate, ça a arrêté d'être un gros mot pour moi. Au sens où, dans le cadre de la CEC, pour un projet particulier, on avait rempli un dossier de demande de subvention européenne. Et c'était pour des gros montants. Et tu dis, bah, sur ces budgets-là, quand ils sont ouverts, tu as des milliers de dossiers qui tombent. Et aussi, ils ne sont pas autant de personnes qui ont de dossiers pour recevoir des trucs. Donc, tu as besoin de choses chiffrées qui rendent les dossiers comparables pour qu'on puisse faire des choix sur comment on alloue nos ressources. Donc, si on est capable aussi d'exprimer les transformations, les impacts CEC dans ce langage-là, on aide les pouvoirs publics, les institutions à mieux flécher l'argent collectif. Donc, il y a ces deux choses-là. Et il y a la question des récits. Par exemple, je fais pas mal de keynote, d'interventions en binôme avec Sophie, la DG de Mustela. Et à chaque fois, elle se crée un fan club, Sophie, mais de malade. Et donc, rien que ça, d'avoir face à soi un dirigeant, quelqu'un sur qui on ne projette pas la radicalité des transformations assumées, et d'avoir ce discours-là, bah, pour beaucoup de gens, c'est une preuve suffisante pour se dire « Ok, bon, j'ai plus d'excuses, moi aussi, je m'y mets. » Génial, merci pour ces plus de 45 minutes passionnantes, c'est passé vite. Et j'aimerais vraiment, vraiment réserver une petite trentaine de minutes aux personnes qui sont avec nous, là, à tous nos guides. Donc, merci d'avoir joué le jeu, Yannick, pour ce premier ping-pong. On est parti dans tous les sens, c'est ça, j'aime bien, ça me plaît bien. Et tu as dit plein de choses qui, moi, m'ont parlé. Et j'ai déjà hâte de réécouter notre échange pour pouvoir les digérer. Et donc, je pense que je vous ai vu, en tout cas, noter beaucoup de choses de votre côté, là. Je pense que ça a été la même chose. Qui a déjà préparé sa question et qui veut se lancer? Allez, je prends une série, si ça vous va, de trois premières questions. Arthur, Hortense et... Eh bien, allez, on commence comme ça alors. Hortense, vas-y. Oui. Merci, c'était hyper intéressant. Moi, j'ai bien aimé, quand tu parles d'appuyer sur les entreprises, la question ensuite, appuyer sur les salariés. Parce que je trouve que ça, c'est un vecteur hyper important pour faire avancer. Donc, évidemment, il faut que les dirigeants soient embarqués. Mais je pense qu'au niveau de la base des salariés et du management de proximité, il y a quelque chose de fort à faire. Donc, je me demandais, comment on peut faire? Je pense que les 2030 glorieuses peuvent aider, d'où ma question est un peu orientée. Mais toi, qu'est-ce que tu conseillerais? Surtout un truc, parce que ça, on nous le dit, on me le dit souvent, c'est qu'on a un parti pris fort et bien défini sur les décideurs. Mais c'est pas parce qu'on a un parti pris fort que on a consciemment choisi d'ignorer les autres sujets ou dire qu'ils sont pourris. Nous, pourquoi on part de là? Parce que on a tous vécu sous une forme ou une autre que dans l'entreprise, tu peux avoir la meilleure direction RSE du monde, si la personne tout en haut de la pyramide s'en fout, rien ne changera. Et que c'est ça une des premières choses à débloquer pour nous, pour permettre qu'une cascade de déblocage s'ensuive. Tu as déjà un certain nombre d'organisations, d'associations, de collectifs qui existent. Je pense au collectif Les Collectifs, si vous connaissez par exemple, où l'idée, c'est que les collaborateurs, puisqu'on appelle plus ça des employés, de l'entreprise puissent un peu dire lever la main, se reconnaître et se dire « Ok, nous, on a envie de former un collectif pour être un groupe de… » Je ne sais pas si c'est ça leurs éléments de langage, mais un groupe de pression positive, de proactif sur les sujets. Et donc, les collectifs, tu as ça chez EDF, au BCG, chez Decathlon, chez Michelin, tu as ça un peu partout. Donc, ce type d'initiative est hyper intéressant. Et surtout, le fait qu'il y a un méta-collectif, un collectif de collectifs, ça permet de trouver sa force et son courage, d'autant plus. Et moi, une réflexion que je me suis faite avec la CEC, c'est après la session 1 qui est sur le constat, c'est difficile pour un dirigeant de se dire « Ok, maintenant, je vais retourner au bureau et je vais dire à tout le monde que le monde est en train de s'effondrer et donc il faut qu'on change tout et donc on va vendre moins. » Non, ça marche pas comme ça. Et donc, il y a cette peur de s'ouvrir et de partager. En fait, chez certains dirigeants, zéro peur. Chez d'autres, tétanisante. Et moi, je me suis dit, en fait, quand on regarde les collectifs, par exemple, qu'est-ce qui se passe quand un dirigeant qui a peur de s'ouvrir rencontre des collaborateurs qui ont peur de s'ouvrir vers le dirigeant et que ces gens-là se rencontrent en disant « Ah, en fait, on a tous les deux envie que ça bouge, mais on n'arrivait pas à se le dire. » Ça, je pense que c'est hyper puissant. Et donc, ça, les collectifs, c'est un exemple. Si on réfléchit vraiment à une échelle macro et qu'on sort de notre bulle de transitionneur, il y a toute la question de social et travailler avec les syndicats, travailler avec les ONG, travailler avec les associations. Ça, c'est des choses qu'on commence à réfléchir. Comment on peut s'ouvrir, nous, avec notre méthodologie à ces gens-là et juste se poser la question comment on peut s'aider. Ça, c'est tout un tas de réflexions. Parce que la réponse simple à ta remarque et ta question, c'est évidemment transitionner sans les collaborateurs, ça n'a aucun sens. Et ça veut dire aussi, merci pour cette réponse, Yannick, que vous avez défini ce qui est de votre compétence et ce qui ne l'est plus. C'est bien des fois de savoir là où on a envie d'être bon et là où on reconnaît que c'est plus de notre fait et donc on remet le bébé, la dynamique, la tâche à d'autres qui sont déjà actifs sur ces sujets. Arthur, tu voulais prendre la parole ? Et ensuite, oui, merci. La question que j'ai est très orientée vers la communauté des guides et aussi, pourquoi pas, vers Julien et moi. Je sais que nous, aujourd'hui, on fonctionne uniquement au bouche à oreille côté 2030 Glorieuse et c'est seulement par la réputation qu'il y a des structures qui nous contactent et on a quasiment pas, on fait pas de la prospection, c'est déjà gagné. Mais on a des guides qui ont envie aussi de vivre par eux-mêmes des voyages en 2030 glorieuses. Et c'était pas ta casquette directe, mais tu as vécu ce moment aussi où tu avais 10 collaborateurs qui bossaient à appeler des entreprises à devoir les convaincre. Est-ce que tu aurais un petit conseil pour les guides qui sont ici sur comment se lancer ou comment pérenniser leur activité en vendant du rêve ? Est-ce que tu as des idées sur ça, ouais. Un retour d'expérience de la CEC ? Alors là, ce que tu es en train de me dire, c'est que les guides se créent une activité de co-construire des récits positifs avec les entreprises et cherchent à le vendre ? C'est ça. Quelque part, tu retombes sur des choses toutes bêtes qu'on t'apprend en école de commerce et ailleurs, qui est que si tu veux vendre quelque chose, il faut que ça réponde à un besoin. Et essayer de vendre quelque chose à quelqu'un qui n'en veut pas, tu auras toujours du mal. Et la question, et ça devient une question de marketeur, comment tu crées l'envie de ce que tu as à proposer. Et un conseil que je donne systématiquement à des personnes, par exemple, qui viennent de signer leur rupture conventionnelle, ont 2 ans devant eux et disent « je ne veux surtout pas gaspiller ce temps-là, je veux que ce soit fertile et que ce soit une chance pour créer quelque chose qui me corresponde », c'est « mets-toi très très vite à écrire ». Ce que tu penses, tes convictions, tes analyses, tes doutes, écris-les, publie-les. Moi, c'est du Medium et LinkedIn. Et c'est ce qui va permettre à des gens qui se retrouvent dans les questions que tu te poses et ce que tu penses, de se dire « Ok, cette personne-là m'intéresse. » Et disant ça, il y a aussi écrire et écrire. Il y a plein de gens qui écrivent des torchons pour faire du volume. Ne perdez pas votre temps à faire ça. Un seul article qui vous prend un mois à écrire peut suffire à rencontrer plein de gens formidables. Et donc ça, c'est un conseil un peu matériel, un peu technique. Mais si tu veux aller prospecter une entreprise en lui disant ce dont tu as besoin, c'est de t'imaginer en 2030 ou en 2033, ça approche quand même 2030, mine de rien, c'est peut-être de faire un peu du travail toi-même en disant bah, en 2033, en je ne sais pas quand, quand j'agrège tous ces rapports de prospective du GIEC, de l'IPBES, de machin, de trucs, le monde y ressemblera à ça. Moi, je pense que j'ai un ressenti que ton entreprise, si elle était capable de raconter cette histoire-là pour ce monde-là qui vient, bah, il se passerait un truc puissant. Voilà. Merci pour cette réponse. Je suis mal placé pour en plus aller contre ta recommandation, puisque avec Ça commence par moi, puis les 2030, j'ai passé beaucoup de temps à écrire et à chaque fois ça a été fertile, donc parfaitement en ligne avec, avec ce que tu nous proposes. Danila et puis ensuite Roselyne. Oui, merci Arthur pour ta question et merci Yannick pour ta réponse. Alors moi je suis, là on parle d'économie, donc si on fait un focus sur l'économie sociale et solidaire, donc avec notamment tous les travaux là de Timothée Duverger, qui notamment parle de cette notion de responsabilité territoriale de l'entreprise. J'aimerais savoir s'il y a déjà un mouvement, enfin si tu vois des entreprises qui s'interrogent vraiment sur, alors il y a leur activité certes, mais leur rôle sur le territoire. Et est-ce qu'il y a des ponts qui commencent à se faire avec notamment l'économie sociale et solidaire? Alors, nous, c'est quelque chose qu'on introduit et notamment qu'on a introduit avec la territorialisation des parcours CEC qui se fait en gros à la maille régionale. Fin 2024, on aura une douzaine de parcours dans les territoires. Là, il y en a certains qui se sont terminés, qui en sont à leur V2. Une hypothèse où d'année en année, ça se répète, mais avec, je pense, très certainement une date d'expiration pour revenir sur la question que tu posais, Julien. À l'échelle du territoire, on a amené au cœur du truc de dire « Ok, il y a chacun votre feuille de route ». Et en plus, vous allez travailler sur et proposer des projets coopératifs ancrés dans le territoire. Parce que, comme je disais, la régénération, personne ne va y arriver en silo. Ça ne marche que si on travaille ensemble et qu'on réfléchit à l'échelle de notre écosystème, puisque les notions de neutralité, par exemple, ne sont pertinentes qu'à l'échelle d'écosystème, pas à l'échelle d'entreprise même de pays, si tes frontières administratives sont complètement déconnantes par rapport aux écosystèmes naturels. Et ça, on les invite à bosser dessus, et notamment, c'est à l'échelle du territoire que se pense la résilience, la capacité à résister au choc. Le Covid, l'Ukraine, le bateau qui s'est mis en travers du canal de Suez avec une petite grue qui gratte, là, ça a été des belles invitations à penser la résilience. Et je ne sais plus dans quel conf où j'avais vu, je crois que la résilience alimentaire de Paris, combien de temps tient Paris ou l'Île-de-France même, si on ferme les frontières de l'Île-de-France, on tient 3 jours, au point de vue alimentaire. Et donc, ces choses-là permettent de réfléchir. Et il y a une énorme appétence du point de vue de la puissance publique pour de la coopération dans les territoires qui émergent. Je n'ai pas de réponse spécifique sur l'ESS, mais par exemple, je me souviens à la soirée de lancement de la CEC Bourgogne-Franche-Comté, il y avait la présidente de région qui était là et le sous-directeur de l'ADEME de la région et qui ont martelé « on veut des projets coopératifs ». À la fin de la session 6, revenez nous voir avec des projets coopératifs. Parce que c'est ça permet de débloquer plein de choses, dont des changements de mentalité, des changements culturels. Merci. La question est partielle, mais c'est ce que j'ai mieux à offrir. Merci. Roselyne, à toi. Oui, merci. Quel bonheur d'être là et d'avoir à la fois, moi, à ma droite sur l'étagère, hein, j'ai le rapport de la CEC, à ma gauche sur la table, j'imagine demain. Ça, c'est là où je travaille tous les jours. Hein, je ne l'ai pas fait exprès, j'ai rien changé. Donc, quel bonheur d'entendre ça et merci. Le ping-pong, tous les deux, Yannick et Julien, c'est super intéressant. Moi, c'est plutôt réagir sur des choses que j'ai entendu dans la présentation, la narration que tu fais Yannick de la CEC et dans ce qu'on a aussi à la 2030 Glorieux, c'est ce côté de transformation. D'abord, c'est le côté du vaste chantier des imaginaires. Hein. C'est toute l'histoire que pour le moment, on n'a que l'imaginaire du business as usual, on va plus vite dans le mur, celui de l'effondrement, on revient à la préhistoire, ou bien la techno-solution avec les intelligences artificielles qui nous... voilà ce qu'on a comme imaginaire aujourd'hui possible. D'où le vaste chantier de créer des nouveaux imaginaires. Avec les 2030 Glorieuses, ça peut se faire au niveau de ma famille, de mes amis et de mon entreprise aussi. Au niveau de la CEC, ça se fait avec une méthode qui projette dans 2030 avec la remise en question profonde de la raison d'être de l'entreprise, avec sa question générative, une fois qu'elle a déblayé tous les problèmes qu'elle cause, à quoi elle pourrait servir pour l'humanité. Donc, il y a une méthode pour ça. Mais c'est vrai que ça appelle à ouvrir les imaginaires des dirigeants. Et quelquefois, ils sont rattrapés par le réalisme, ou rattrapés par leur peur, ou rattrapés par... Donc, c'est un chemin de permettre ça. Et nous, on a la chance. Moi, je suis coach dans ces univers-là. Donc, on a la chance d'être là, sur ce chemin-là. Donc, dans la méthode, de leur permettre d'essayer de « et si tu vois plus grand ?»« Et si tu dépasses ça ?» Mais ce n'est pas facile. Il y a des gens pour qui c'est beaucoup plus facile que d'autres, d'ailleurs, parce qu'on a tous des fonctionnements différents aussi. Moi, Yannick, comme moi, on peut penser à des gens... quand on avait Marie... des vedettes de Paris hein, qui en même temps se dit mais attends, moi je promène sur des bateaux qui polluent en faisant du bruit sur la Seine des touristes chinois qui sont venus en avion et quand ils descendent en faisant le tour le plus vite possible que je facture comme ça, quand ils descendent s'ils peuvent acheter une cochonnerie fabriquée en Chine dans ma petite baraque à la fin, je suis le roi du monde. Alors à la fin de la session 1, elle est en pleurs, Marie, elle dit « mais je ferme tout ». Et c'est une affaire familiale qu'elle a héritée de son père, de son grand-père, qui a beaucoup de sens pour elle. Donc, elle est dévastée avec ça. Donc, c'est l'humain qui est le plus intéressant là-dedans, c'est comment les gens traversent ça, comment les gens se relèvent, comment en session 2, elle décide « je vais faire des bateaux électriques ». Ça n'existe pas, donc ça y est, je mobilise tout ça. C'est pas la solution à tout, l'électrique, hein, mais c'est réduire une partie des nuisances déjà. Et elle fait ça, et c'est tout un chemin parce qu'il va falloir que le pouvoir public lui permette d'électrifier le quai au pied de la Tour Eiffel. Elle veut bien électrifier le bateau, mais il faut que toute l'infrastructure soit là. Donc elle se rend compte qu'elle est dans une aventure où il faut que les pouvoirs publics et tout ça l'aident, etc. Et pour après, à la session 2, se dire mais maintenant je fais quoi pour aller plus loin et se dire comment je suis régénératif, comment est-ce que en fait, je sers l'écosystème de la Seine et je rends ça plus beau et plus accessible pour tous. Enfin, tout ce travail des imaginaires, il ne se fait pas en une fois. Il est. Mais bon, bref, je voulais dire, c'est cette transformation humaine qui est la plus grande, en fait. Parce que quoi qu'ils aient mis dans leur feuille de route, qui est une stratégie, c'est combien eux-mêmes ont été transformés, ont été touchés. Ils ne voient plus le monde de la même façon, ils ne font plus les mêmes choses derrière et ça atterrit dans leur quotidien de mille façons différentes avec leurs collaborateurs, avec leurs compétiteurs, avec leurs parties prenantes. Je prends un autre exemple vite fait, le cabinet d'immobilier là qui nous appelle au bout de deux sessions, il envoie une petite photo. Je suis allée dans la forêt où on a un projet, j'ai regardé ces arbres-là et on dit comment est-ce qu'on préserve les arbres dans la forêt. Jamais de ma vie, j'aurais imaginé faire ça avant. Un projet immobilier, j'en ai fait plein, mais maintenant, j'ai pas posé les mêmes questions et on n'est plus sur les mêmes trucs. Comment on fait différemment? Donc, c'est cette transformation-là que moi, je trouve la plus intéressante et les imaginaires... sont la clé de tout ça. Donc, j'ai pas de question que d'être tellement heureuse que tous les deux et tout le monde travaillent à ouvrir ses imaginaires. Et merci, Rosine. Moi, je vais peut-être en profiter pour... ça touche un peu à ce que tu as dit aussi, mais là, il y avait une remarque et question de Fabienne dans le chat, je crois. Ouais. partie, Fabienne. Oui, elle est repartie. Mais toutes les feuilles de route ne sont pas régénératives dans la CEC. Donc, est-ce que ça retarde pas la bascule que de laisser produire des feuilles de route pas régénératives? Aucune feuille de route n'est régénérative. Elles sont toutes à visée régénérative, avec une très forte dose d'humilité chez une très, très, très large majorité d'entreprises, de dire, humilité par rapport à la trajectoire au sujet, de se dire, il y en a plein qui disent, non, en 2030, je ne serai pas régénératif, je ne sais pas, je n'ai pas trouvé, mais on va quand même, je vais quand même me mettre en chemin et je vais faire tout ce que je peux pour le faire. Et quand on est... par exemple, j'ai en tête un sidérurgiste basé en Savoie. Les 40% de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, il les avait. Le 41%, il ne l'avait pas. On ne peut pas arrêter la sidérurgie, parce que sinon, c'est nos infrastructures qui s'effondrent. Et donc, ça va être des questions de trade-off. Est-ce que ça retarde de publier des choses imparfaites? Je pense que la réponse est contenue dans la question. Tu parles d'humilité et moi, c'est une valeur que je vois beaucoup poindre le bout de son nez quand on fait les voyages en 2030 glorieuse. Ça se traduit de plein de manières différentes. C'est des gens qui ont envie de ralentir, c'est des gens qui ont envie de se réémerveiller des choses autour d'eux, de leurs enfants, de la beauté du vivant. Je le vois, moi, comme une véritable finalité, l'humilité pour l'humilité, pour reprendre notre place parmi le vivant. C'est... comment on ralentit, comment on agit moins, comment on se rend compte qu'on n'a pas toutes les solutions et qu'on ne doit pas forcément avoir toutes les solutions. Est-ce que ça, c'est du côté des citoyens? Est-ce que du côté des entreprises, de temps en temps, vous avez aussi un peu ce constat que l'hubris, ça ne peut pas être la seule réponse et le solutionnisme, ça ne peut pas être la seule réponse, même si c'est un solutionnisme régénératif et que parfois, bien faire, c'est moins faire aussi? Et avant d'aller plus loin, ne pas oublier que les entreprises sont remplies de citoyens. Alors, tu as un peu un paradoxe sur la question de ralentir. À partir du moment où on s'est expliqué les problèmes, qu'on s'est parlé de « ok, ce qu'on cherche, c'est être régénératif et tout ce qui va avec », on a très peu de temps pour opérer nos transformations. Et je pense qu'il y a un taux de burn-out dans le monde associatif qui est supérieur à celui du monde économique classique. Et je me range dans la catégorie, dans cette catégorie-là. Noël dernier, j'ai pris 4 semaines, ça m'était jamais arrivé de ma vie, juste parce que j'en pouvais plus. Et je suis tombé malade le premier jour et ça m'a suivi pendant les 4 semaines. Il paraît qu'il n'y a pas de hasard. Mais donc oui, il y a cette conscience... Et en même temps, c'est compliqué de se dire « Ok, putain, j'ai compris qu'il est urgent de transformer les modèles parce que toute dégradation supplémentaire se paye. Et en même temps, il est urgent de prendre le temps. Il y a de quoi faire exploser. » Donc, j'ai pas de réponse à ça. Et ce que je souhaite, ou ce qui peut se souhaiter de mieux aux entrepreneurs, aux dirigeants et aux collaborateurs et tous les gens qui travaillent sur les transformations, c'est que les transformations qu'ils portent leur donnent de l'énergie. Parce que si tu portes ta transformation, on a l'impression que c'est une croix. c'est sûr que tu vas finir au fond du gouffre en burn-out et à n'avoir plus goût à la vie. Donc, il faut que tes transformations te donnent de l'énergie parce que, oui, il faut ralentir et en même temps, il faut méga accélérer. Donc, il n'y a pas de réponse à cette injonction contradictoire-là. C'est peut-être Satish Kumar qui a cette réponse et c'est ce qui a éclairé nous à nos premières rencontres collectives entre guides puisque Satish il nous invite à nous hâter lentement. Et peut-être que c'est à lui qu'il faudra donner la parole lors d'une prochaine convention des entreprises pour le climat. On a Caroline qui a levé la main. Je vous propose qu'on prenne encore 2 questions. Donc Caroline et une dernière personne ensuite. C'est maintenant ou jamais. Et en plus, pas de pression, mais il faut terminer sur des questions qui forcément vont nous faire nous dire « Mais waouh, quel échange !» Pas de pression. Caroline, on t'écoute. J'avais tout à l'heure une question, mais tu as déjà en partie répondu. Parce que quand j'entends les chiffres quand même de ce que vous avez déjà touché en nombre d'entreprises, et tu parlais de comment on mesure tout ça, j'avais vraiment envie d'entendre parler de voilà, quelles sont les actions collectives ou comment vraiment tu fais force quelque part de lobbying, alors avec les entreprises qui ont fait, enfin comment vous faites pour vraiment faire cet effet boule de neige. Tu as déjà en partie répondu, mais peut-être tu peux nous ajouter d'autres choses. Et puis l'autre question, c'était sur, alors je ne vais pas trop raconter ce que moi j'ai pu voir, mais on a parlé tout à l'heure de peur, clairement. On peut avoir, me semble-t-il, vraiment des dirigeants qui peuvent construire quelque chose, une feuille de route, si c'est ce que vous demandez, qui peuvent la célébrer même avec leurs salariés et tout ça. Et à un moment, en fait, une action banale fait qu'il va avoir très, très peur et il va tout bloquer, en fait. Donc, justement, comment est-ce que, on a vu là tout à l'heure, Roselyne disait qu'il y avait justement tout ça. Alors, les imaginaires, effectivement, sont très, très forts, mais je dirais qu'ils peuvent être très, très forts sur le moment du partage avec les autres. Mais comment vous faites pour que voilà, ça perdure et comment vous les aidez à avancer avec ça? Merci. Yes. Bah, moi, je reviens à ma notion de courage, parce que face à la peur, il faut s'armer de courage. Et au printemps, on m'a proposé de faire un TEDx et j'ai décidé de le faire sur le courage, le thème du courage, inspiré par ce que j'ai vécu à la CEC. Je décomposais les trucs en trois ingrédients. Dire le courage, c'est fait de cœur, de collectif et de récit. Le cœur, c'est la transformation intérieure. Roselyne qui raconte très bien l'histoire de Marie. Elle était en larmes à la fin de la session, hein, Marie. Mais de se laisser vivre ces choses-là. Et le collectif, pour moi, c'est ce qui sert de filet de sécurité. Quand tu n'es pas seul, tu as le droit de te planter. Et ce qu'on s'attache à faire de notre mieux, on a encore beaucoup de boulot pour le faire bien, le faire vraiment bien, c'est que le collectif, les collectifs maintenant qui se forment pendant les sessions, vivent au-delà. Et que tu es un grand collectif, un grand tout, un grand nous, à l'intérieur duquel les participants aient envie et plaisir à se retrouver, puissent se raconter leurs aventures, leurs efforts, leurs doutes, leurs réussites, pour que collectivement, ils continuent de trouver le courage de porter leur transformation. Et de constater ensemble que les choses bougent, ça aussi, ça donne énormément de courage, de se raconter l'histoire ensemble de « ok, voilà là où on veut aller » et on voit les choses, les étapes qui se matérialisent. Et oui, la CEC fait du lobbying et oui, moi, je passe un certain temps dans les ministères à raconter ces histoires-là en fait. Et mon job à moi, spécifiquement dans l'association CEC, c'est de faire en sorte que ce qui se passe soit compris et que eux, participants, voient les signes extérieurs de cette compréhension qui se développe. Est-ce que vous avez une dernière question? Sonny, une dernière question peut-être? Ta plus jeune auditrice, je crois. Hein. Elle me fait trop marrer depuis tout à l'heure, elle court, elle me regarde, elle fait genre « T'as vu, hein, je fais des andouilles hein. !» Allez, je laisse la dernière question à quelqu'un d'autre. T'avais trop mis la pression, Julien. Ouais, mais c'était fait exprès parce qu'en plus, Caroline avait deux questions dans sa question et ça me va bien de terminer sur cette bonne note. On a vraiment eu un temps d'échange de qualité. Je pense qu'on se rend compte aussi par nos parcours qu'on peut faire confiance à des personnes qui ont les mêmes élans, les mêmes convictions, les mêmes éveils, de toucher d'autres publics et de les mettre en mouvement. Et on voit la porosité entre nos mouvements, entre nos dynamiques et ça fait du bien aussi de se reconnaître là-dedans. Donc merci Yannick pour ton témoignage et pour tous ces liens fertiles qui vont être créés dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir et qui ont déjà commencé. Roselyne, tu en es la parfaite incarnation. Moi, j'adore ces temps de soirée refuge parce qu'on prend soin de nous, on se connecte, on se nourrit, on coopère. Et tu le disais Yannick, je pense que ça fait partie moi, des valeurs qui me montre aussi qu'il y a des choses qui sont en train de changer. Là, parmi toutes les structures qui portent cette question des imaginaires, on voit à quel point il y a de plus en plus une coopération, une envie de, de se dire qu'en fait, on partage le gâteau, on partage des ressources, on partage des savoirs et on a besoin de s'entraider plutôt que de penser qu'on est en compétition sur les 2, 3, 5 % de la population qui a pour l'instant compris ces enjeux. Donc ça aussi, ça fait du bien. Donc merci pour tout ça. On rediffusera cet échange sur l'auberge des 2030 Glorieuses si vous voulez le rediffuser, le réécouter et dans le podcast 2030 Glorieuses pendant Noël, là, comme des petits cadeaux, des pépites à toutes les personnes qui suivent le podcast. Donc merci Arthur, merci Caroline, merci Mathieu, merci Daniela, merci Nathalie, merci Roselyne, merci Hortense, merci Sandra, merci Laetitia et merci Yannick. Bonne soirée à tous. Merci à toi, merci à vous.